mosaïque. Bonjour auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue dans l'émission Mosaïque. En moins de 2 mois, les Burundais seront appelés à se prononcer pour ou contre le projet d'amendement de la Constitution à travers un référendum. En 2020, le Burundi organisera des élections présidentielles, législatives, sénatoriales et collinaires. Il a été prouvé que les médias sont particulièrement sollicités en période électorale. Aujourd'hui, un comité constitué par des professionnels de médias et de la communication a été mis sur pied par le ministre en charge de la communication pour planifier les activités allant dans le sens de couvrir ensemble le processus référendaire. Une synergie des médias en période électorale s'est devenue un modèle à suivre pour une couverture efficace des processus électoraux au Burundi. Tant de moyens et d'efforts pour une telle initiative. Et de nous demander dans Mosaïque d'aujourd'hui, quel est le rôle des médias en période électorale? Comment les journalistes peuvent rendre un travail de qualité en cette période tout en demeurant fidèles aux exigences du métier? Comment les participants à ces élections et pouvoirs publics peuvent faciliter ce travail des journalistes? Voici les quelques interrogations et bien d'autres qui feront objet de notre débat mosaïque d'aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes au studio avec 3 invités. Jérôme Ndikuriyo, directeur général de la communication. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et bonjour à ceux qui nous écoutent. Nous souhaitons également la bienvenue à Prosper Naugwamiye, commissaire chargé de l'éducation civique et de la communication à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Nous souhaitons également la bienvenue à Silver Nakarutimana, directeur de la radio Isanganiro. Bonjour et bienvenue dans cette émission Mosaïque. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Pacifique Chouaïlo, je vous présente Mosaïque d'aujourd'hui. Jérôme Nionzima assure la réalisation. Eric Wimana est à la cabine technique. À vous tous à l'écoute de cette émission, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Monsieur le directeur général de la communication au niveau du ministère, vous avez mis sur pied un comité des professionnels des médias de la communication, un comité d'ailleurs que vous présidez. Et pourquoi un tel comité à l'approche du référendum? Merci Pacifique. Juste d'abord pour rectifier un peu, le comité est présidé par un professionnel de médias, Jacques Bukuru. Il est aussi, il a un vice-président, un professionnel des médias, Jérôme Ndikuriyo, qui est aujourd'hui, Jérôme Nionzima aujourd'hui, qui est au Search for Common Ground, une ONG qui appuie les médias. Il est aussi un secrétaire qui est le directeur de la radio Ndiragakura. Juste le ministère assure la coordination. C'est aussi une façon aussi de rendre libre le métier des journalistes. Donc, le ministère est là pour l'encadrer, mais aussi pour accompagner les journalistes, aussi les médias. Et vous ne présidez pas, mais vous avez la coordination de ce comité. Oui, effectivement, nous sommes là pour la coordination comme l'initiative est du ministère, mais ça rentre aussi dans ses attributions. Si je reviens un peu sur le rôle des médias, où vous demandez pourquoi la mise en place de ce comité. D'abord, les médias n'ont pas seulement le rôle en période électorale. Nous considérons que les médias ont un grand rôle à jouer pour toutes les nations et pas seulement pour le Burundi. Mais pour la période électorale, pourquoi la mise en place de ce comité pour la période électorale? Nous savons que les médias travaillent de leur côté et ont un rôle à jouer. Mais aussi par la façon de travailler, par la manière de leur ligne électorale, ils sont différents. Mais en cette période, Nous voulons que les médias conjuguent les efforts, mettent en place leur savoir-faire et travaillent en commun accord, disons en synergie, en cette période que nous considérons une période grandiose, mais aussi un événement très important au niveau de la nation, mais aussi au niveau des nations. Voilà pourquoi nous avons mis en place ces comités. C'est pour conjuguer les efforts, pour éviter qu'il y ait dispersion des efforts dans cette période. Merci. Nous sentons cet engouement de bien faire au niveau des médias par le ministère et d'où l'objet de ce comité. Je me retourne du côté de la CENI. Vous êtes là depuis les élections de 2010 et vous avez une expérience avec les médias. Quel est votre constat par rapport à la contribution des médias dans les différentes échéances électorales? Merci pour la question. Effectivement, comme vous le savez, les médias, dans leur rôle classique, c'est d'informer, former, éduquer la population. Et comme vous le savez, en matière électorale, on doit faire à la fois une éducation civique et une éducation électorale. Les messages que peut diffuser la CENI ou les différents partenaires électoraux, le meilleur canal, c'est la voix des médias, qui peuvent être des médias comme les radios, les télévisions ou les journaux. Maintenant, il y a plusieurs types de communication, notamment les réseaux sociaux, tout ça, ça fait partie des différents créneaux de communication. En un mot, les médias nous aident à véhiculer le message. Qu'il s'agit côté éducation civique, nous en profitons pour enseigner pourquoi voter et nous en profitons pour informer les gens sur l'intérêt de la participation citoyenne, le renouvellement des institutions, l'alternance politique pacifique. Et concernant l'éducation électorale, c'est essentiellement les trois questions. Quand, où et comment voter? Et cela passe toujours par le canal des médias. Donc, sans médias, je vois mal comment on peut organiser une élection. À l'approche des élections de 2015, certains médias ont été détruits. Est-ce qu'il vous a été facile de faire passer ces messages alors que certains médias étaient dans des situations un peu difficiles? Vous-même, vous étiez là. En tout cas, je ne dirais pas que l'impact a été minime, mais ça n'a pas empêché de fonctionner puisqu'il y avait quelques médias qui ont continué à fonctionner. Et puis, comme vous le savez, les médias, c'est aussi une arme à double tranchant. Si ça ne fonctionne pas très bien, mieux vaut ne pas les avoir. Je pense que dans certains cas au pays, ça a été bien. Oui. Je reviendrai vers vous au milieu de l'émission. Je me retourne du côté de Silver Nakautimana, un gestionnaire des médiums, la radio Isanganiro. En tant que professionnel des médias, pensez-vous que le contexte actuel permet aux médias de travailler librement durant les prochaines échéances électorales? Bon, comme vous savez, la liberté est toujours relative. Ça dépend de quelqu'un qui apprécie. Mais je me dis que dans le contexte actuel, les médias, nous sommes en train de travailler. Nous pensons que le thème des élections, c'est un thème qui nous est cher par rapport à la vie de la nation. Et je crois que les radios ne peuvent pas, ou les autres types de médias ne peuvent pas rater ce rendez-vous important. Et nous pensons que malgré les conditions de temps en temps difficiles liées au contexte, nous ne pouvons pas nous freiner dans notre travail. Nous devons faire face à des défis, mais absolument, ce que le journaliste doit comprendre, c'est qu'il ne peut pas rater son rendez-vous. Autrement dit, c'est dans des occasions difficiles ou faciles que les médias doivent être présents, parce que les rendez-vous sont toujours importants. La population a tant besoin de l'information. Dans des temps normaux, il est aussi important que la population soit informée dans des temps aussi difficiles. Mais je ne crois pas que ce soit une situation alarmante, que les médias ne peuvent pas couvrir les élections, mais nous pensons qu'à chaque instant, nous devons nous adapter et donner l'information utile à la population, et surtout l'information équilibrée, faite de façon professionnelle. À cette période, quels sont les défis pressentis, même avant l'approche de ce rendez-vous d'Omé pour le référendum? Bon, les défis sont toujours presque les mêmes. Pour couvrir une élection dans un pays, il faut pouvoir se déployer. Pour pouvoir se déployer, il faut se préparer. Se préparer, ça dit avoir des moyens pour y arriver. S'il faut parler des moyens, c'est en termes de moyens financiers, en termes de moyens logistiques. Vous savez que pour être dans une commune ou dans une zone quelque part, il faut absolument avoir les moyens de locomotion, comme des véhicules. Les véhicules supposent du carburant. À côté de ce carburant, il faut que le journaliste soit capable de vivre sur le terrain. Bon, il y a ces deux moyens qui exigent quand même une préparation minutieuse. Je crois que le pays est assez préparé aussi. Je crois que les moyens sont en train d'être collectés à gauche, à droite. Je crois pas que ça pourrait être un handicap. Mais le défi est toujours là. Et nous pensons que les moyens, s'ils sont suffisants ou insuffisants, nous allons nous adapter et nous allons couvrir les élections qui vont suivre. Pour vous, il n'y a pas de problème si le ministère s'engage à collaborer avec les médias et coordonner les activités pour couvrir tout le travail auquel sera appelé les journalistes pour ce référendum? Non, ça a été toujours en vœu, donc de collaborer avec les institutions dans le travail des médias. Le problème serait que le ministère voudrait, par exemple, freiner ou orienter d'une certaine manière le travail des médias. Je ne crois pas que ce soit le cas. Et je pense que la collaboration avec les institutions publiques dans la couverture des élections, c'est une grande aubaine pour les médias pour travailler de façon optimale. Parce que des fois, lorsque on n'a pas les institutions de ton côté, travailler en tant que journaliste, c'est des fois, c'est difficile. Le journaliste a besoin d'être protégé. Le journaliste a besoin d'avoir accès à l'information. Et si les institutions publiques ne sont pas du côté des journalistes, je crois que le travail de journaliste serait handicapé d'une certaine manière. Et nous pensons que aujourd'hui, c'est une aubaine que le ministère s'implique pour aider les journalistes à faire mieux leur travail. Et les journalistes, quant à eux, ils ont le devoir de bien faire leur travail, pour autant qu'il n'y aura pas d'entrave liée à cette collaboration. Merci, je me retourne du côté du ministère de la Communication. Aujourd'hui, certains médias ne sont pas autorisés à travailler alors qu'il y a la naissance de plusieurs autres. Est-ce que aujourd'hui, c'est facile d'arbitrer en tant que le ministère pour que les participants aux élections, les différents détenteurs d'opinion puissent s'exprimer de la même façon dans les différents médias? Pour les médias, vous dites que le gouvernement, il y a des médias qui ne fonctionnent pas. Vous le savez, ce n'est pas nouveau. Il y a des médias qui ont un contentieux avec la justice. Donc, ils sont traités comme les autres. Par rapport à la naissance des médias, c'est la volonté du gouvernement. On ne peut pas fermer les médias pour fermer les médias. Donc, et ouvrir d'autres. Donc, ce sont des circonstances qui ont fait qu'il y a des médias qui ont un contentieux avec la justice. Mais il y a aussi d'autres médias, vous n'avez pas cité des médias qui ont ouvert. C'est la volonté des médias, c'est la volonté du gouvernement. Si nous revenons peut-être sur l'entrave, il n'y a pas d'entrave par rapport à la communication. On est ici, on est écouté, c'est vous qui choisissez les invités. Ce n'est pas le gouvernement qui donne une orientation, invitez tel. Ce n'est pas le gouvernement qui dit, telle personne, il ne faut pas tendre le micro à M. X, il ne faut pas diffuser ses opinions. Mais c'est vous, les journalistes, qui êtes au service de la population. J'en reviens aussi sur le rôle, la responsabilité sociale des médias. Les médias sont là, l'a dit le commissaire chargé de la communication au niveau de la CENI. Il a dit que la mission, c'est d'informer, éduquer, former. Si vous vous adressez à un invité, que vous voyez que la personne est prête à participer sur l'éducation de la population, la formation de la population, mais aussi à informer la population. Vous êtes libre. Vous êtes là pour choisir vos invités. Donc, le gouvernement est là juste pour accompagner, mais non pas donner des orientations. Quand vous vous êtes inscrit à CENI, quand vous faites enregistrer votre médium et que vous demandez l'agrément au niveau des organes habilités, comme le Conseil national de la communication, vous avez un cahier de charges. Et après analyse, on vous laisse travailler librement. Mais on ne vient pas pour vous dire travailler avec tel, donner les opinions de tel, mais on vous demande seulement de respecter la loi. Voilà un peu de mots par rapport à l'entrave qui pourrait survenir, dont vous supposez, sur l'ouverture de nos médias. En termes du respect de la loi, est-ce qu'aujourd'hui, si vous essayez d'analyser la manière dont fonctionnent les médias, est-ce que vous pensez que tous les médias s'alignent dans ce sens du respect de la loi et qu'il n'y a pas de danger même en période électorale? Bon, pour ceux qui s'alignent dans le rôle, ce qui joue pleinement les rôles, il revient au Conseil national de communication de suivre. Si vous n'avez jamais été appelé ou si vous n'avez pas reçu une correction de la part du Conseil national de la communication, c'est que ça fonctionne bien. Par rapport à la période électorale, c'est une période comme tant d'autres. C'est une période qui arrive à des moments bien connus dans une périodicité, je dirais, qui est connue. Vous savez qu'en 2020, il y aura des élections. Ce qui est nécessaire, c'est juste pour s'ajuster, pour voir qu'est-ce qui s'est passé en 2005, qu'est-ce qui s'est passé en 2010, qu'est-ce qui s'est passé en 2015, et vous essayez de vous ajuster par rapport en 2020. Donc, c'est pas nouveau. Les élections au Burundi, c'est pas nouveau. C'est pas quelque chose qui tombe brusquement. Nous sommes habitués aux élections. Donc, pour accompagner les élections, nous avons assez de médiums, nous avons assez de professionnels. Il s'agit seulement de s'ajuster par rapport aux erreurs déjà commises, mais aussi de partir de l'expérience déjà du passé pour se conformer, pour mieux réussir. Je sens aussi cette volonté aussi des médias qui veulent beaucoup réussir. Donc, la synergie de médias a été une des choses que le monde a saluées. Donc, je pense que les médias aussi, ou les responsables de médias, ne vont pas, ont cet engouement aussi d'être bien dit, mais aussi de savoir à leur niveau dont ils sont capables. Je me retourne du côté de la CENI. Monsieur Prosper, lors de votre première intervention, vous avez mentionné qu'en période électorale, quand il y a un médium qui ne fait pas correctement son travail, mieux ne pas en avoir. Est-ce qu'il y aurait des erreurs qui ont été commises dans le passé, peut-être qu'il faudrait corriger au niveau des médias? Oui, vous êtes tous témoins. La preuve, c'est que maintenant, il y a des médias qui ont des dossiers pendants en justice. Ça, c'est un signe évident que certains médias auraient dérapé par rapport à leur code de déontologie professionnelle. Et puis, pour nous, la CENI, en fait, l'essentiel, ce n'est pas le nombre de médias. L'essentiel, c'est la qualité de leurs prestations. Et au niveau de la CENI, nous sommes confiants. Mais la pluralité des médias, c'est une autre dose qui renforce cette indépendance des médias. Oui, à partir de deux, c'est plusieurs. Il y en a. À partir de deux, c'est plusieurs. Il y en a, suffisamment. C'est pas, je répète, ce n'est pas le nombre de médias. C'est la qualité des messages. Et au niveau de la CENI, on n'a pas de souci. Au Burundi, il y a suffisamment de médias pour répercuter le message de la CENI. En tout cas, il n'y aura aucun citoyen burundais, à ma connaissance, qui va dire qu'il n'a pas eu suffisamment de messages pour aller voter, puisqu'il n'y a pas suffisamment de médias au Burundi. Ça, je vous défie. Il y a suffisamment de médias. Déjà, cette émission est en train d'être suivie par combien de gens? C'est un message. Ça couvre tout le territoire national, même les gens qui sont à l'étranger. Donc l'essentiel, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité. Voilà le commentaire à chaud que je peux te donner. Et puis, la nature a horreur du vide. Si une porte se ferme ici, il y a une autre porte qui s'ouvre là-bas. C'est ça la société. C'est ça la société. C'est comme les êtres vivants. Ils naissent, ils grandissent, ils meurent. Okay. Aujourd'hui, tu es au micro. Il y a 10 ans, ça, c'était un autre journaliste. Il y a 20 ans, c'était un autre. Après toi, il y aura d'autres. Voilà le cheminement normal. Il ne faut pas vous alarmer. La nature est ainsi faite. Il y a eu toujours un débat lorsqu'il faut accorder aux différents politiciens la parole sur différents médias. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que tous les médias peuvent garantir cette liberté pour les gens qui voudraient faire passer leur message en termes de campagne électorale afin que tout le monde soit servi dans l'équité? C'est plutôt moi qui devais vous poser cette question. À vous de donner la parole équitablement, c'est pas à la CENI. C'est vous les gestionnaires des médias, à vous de donner la parole aux différents partenaires électoraux équitablement. L'équité et l'égalité, c'est parfois difficile à apprécier, mais au moins l'équité, essayez, ça va marcher. Je me retourne du côté du professionnel des médias, monsieur Sylvain Nakalutimana. Vous travaillez en tant que responsable d'un médium. Est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les faiblesses des médias? Quels sont les points forts pour accompagner ce processus électoral au Burundi? Avant de parler des faiblesses et des forces des médias aujourd'hui pour accompagner le processus électoral, je voudrais revenir sur ce que le commissaire de la CENI vient d'évoquer par rapport à l'égalité, à des espaces que nous donnons à des responsables politiques qui voudraient faire leur propagande ou adresser des messages à la population. Je crois que professionnellement, les radios, les médias en général, doivent tenir compte de leur situation de médiateur au niveau du processus électoral. Nous ne devons pas nécessairement pencher sur l'une ou l'autre partie pour transmettre les messages ou pour donner plus d'espace à certaines personnes plutôt qu'à d'autres. Je crois que notre rôle, c'est de relayer le message de façon équitable. Et je crois qu'il en va aussi du rôle des instances de régulation, de pouvoir réguler, à juste titre, ce fait que les médias doivent être prenons égalitaires par rapport aux candidats, par rapport à des programmes, par rapport à des groupements politiques, suivant les tendances politiques qui se dessinent à un moment donné. Je crois que la CENI pourra faire son rôle. Et d'après les informations que j'ai aujourd'hui, je crois que la CENI est en train de... Le CNC est en train de... Le Conseil national de la C'est ça, est en train de préparer un code de conduite. Je crois qu'il y aura des dispositions pareilles pour essayer de réguler en termes d'égalité, le temps qui sera donné à différents partis et qui feront partie du processus électoral. Alors, pour revenir sur votre question par rapport aux faiblesses et aux forces des médias aujourd'hui, je crois que... commençons par les forces. Nous émettons à travers tout le territoire, ça c'est une grande force parce que nous pouvons atteindre beaucoup de gens. Les gens nous écoutent et une autre force est que notre société est essentiellement orale, c'est-à-dire que la radio a une grande importance au niveau de la population pour transmettre le message. Il est vrai que d'autres médias sont aussi importants, mais la radio en particulier, par rapport à la transmission des messages, je crois que c'est le médium le plus important. Parce que si nous parlons par exemple des médias sociaux, c'est lui qui n'a pas un téléphone qui peut permettre à ce qu'on puisse avoir des messages via les médias sociaux. Je crois que ça ne sera pas possible. Et là, on pourrait en compter au niveau de la population. Et s'il s'agit de lire les journaux écrits, je crois que les journaux écrits ne sont pas très lus à l'intérieur du pays. Peut-être que dans certaines parties du pays, notamment dans les villes, peuvent lire les journaux écrits. Mais c'est au niveau peut-être des faiblesses. Mais sinon, nous pensons que les forces sont plus grandes par rapport aux faiblesses. Les faiblesses peut-être sont liées aux moyens que nous utilisons aujourd'hui. Si une radio n'a pas les moyens pour arriver à la population, envers la population, c'est-à-dire quelque part ce qui se passera sur le terroir, là, très loin de la capitale, sera très difficile à relayer à partir du moment où le journaliste n'aura pas des moyens pour y arriver. Mais c'est une faiblesse, plus ou moins, qu'on peut mitiger, qu'on peut diminuer d'ampleur à partir du moment où les moyens se cherchent et se trouvent. Je crois que nous avons eu la promesse du ministre qui s'est investi lors de notre dernière rencontre, lorsqu'il a dit qu'il va contacter le ministre des Finances, il va contacter la CENI, il va contacter le gouvernement en général pour voir s'il peut y avoir des moyens à dispatcher au sein des médias. Peut-être que les moyens pourront venir. L'autre faiblesse, ce serait peut-être... Mais si le ministère ou le gouvernement coordonne une telle activité, est-ce que vous ne craignez pas une perte d'indépendance au niveau des différents médias? Moi, je suis optimiste. J'imagine que le gouvernement ne méconnaît pas le rôle important que doivent jouer les médias. Le rôle pacificateur, d'ailleurs. Parce que lorsqu'une information n'est pas donnée, il y a multiplication des rumeurs. Je crois que le gouvernement a intérêt à ce que les médias puissent faire convenablement leur travail pour que la population puisse être apaisée, pour que le processus puisse prendre une orientation positive. Je crois qu'il en va de l'intérêt du gouvernement à ne pas entraver ce processus, et du moins par rapport à la contribution des médias. Et c'est pourquoi alors je fonde mon optimisme sur cet aspect positif que le gouvernement lui aussi connaît le rôle important des médias dans la transmission des messages. Et c'est pourquoi... je ne peux pas insister sur le fait que le gouvernement pourrait entraver ou orienter le travail des médias, mais plutôt j'insiste sur le fait que le gouvernement connaît l'importance des médias et qu'avec les médias, le processus pourrait se faire de façon convenable et que les informations qui seront données à la population seront des informations bien fouillées et faites professionnellement de manière à ce que le public puisse être servi. Il est beau, mon pays. Oh, il est beau, mon pays, Burundi. Il est beau. Oh, il est beau, mon pays, Burundi. Il est beau, comme il est beau. L'émission, c'est Mosaïque. Aujourd'hui, nous débattons autour du rôle des médias en période électorale. Et nous sommes avec trois invités. Nous sommes avec M. Jérôme Ndikuliyo, directeur général de la communication au sein du ministère de la communication. Nous sommes également avec M. Prosper Naugwamiye, commissaire chargé de l'éducation civique et de la communication à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Nous sommes également dans cette émission avec Silver Nakarutimana, directeur de la radio Isanganiro. Monsieur Jérôme Ndikuliyo, c'est vrai que vous allez coordonner le comité, le ministère est soucieux du travail des journalistes. Est-ce que vous avez les moyens suffisants pour assurer ce travail? Merci pour la question. Les moyens, nous les avons. Je disais d'abord que le pays est desservi par les médias, par les médiums. On n'a pas à hésiter que les messages dans les instances ou les partenaires électoraux pourront avoir des difficultés pour diffuser les messages. Nous avons les ressources humaines. Il y a les journalistes qui sont là. Si tu avais eu l'occasion de participer à la réunion qui regroupait les partenaires par rapport au secteur de la communication, c'est à ce moment où vous sauriez qu'on n'a pas de crainte pour accompagner ce processus au niveau de la communication. Mais aussi, il y a la volonté. cuvées peu. Là, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent, cuvées peu. Et ils ont une manifeste volonté de travailler et d'accompagner le processus électoral du référendum. Par rapport aussi à la difficulté, j'en reviens, que tu disais que est-ce que le ministère ne pourra pas peut-être avoir une influence sur les médias. Je reviens un peu sur ça parce que ce soit les médias, que ce soit le gouvernement, tous sont au service de la population. C'est comme un corps. Il y a les bras qui font leur travail, il y a les yeux qui font leur travail, au service de la vie, de toi-même, de moi-même. Il y a les médias qui font leur service, au service de la population. Il y a le gouvernement qui fait son service pour la population. Donc, il n'y a pas de crainte. Chacun fait son travail. Il n'y a pas lieu de dire que le bras peut influencer la jambe pour ne pas faire bien son travail. Donc, c'est ça le travail en synergie dont nous disons. Revenons sur les faiblesses dont parlait, disons, le directeur de la radio Isanganiro. Il parlait de la difficulté de se déplacer. Il disait les moyens de survie. Le comité qui est là a une mission d'élaborer, de préparer les prévisions nécessaires. Nous sommes là pour chercher les moyens ensemble et nous sommes sûrs que nous allons réussir. Il n'y a pas de crainte par rapport aux moyens logistique, ressources humaines, matériel. Je pense que avec les médias, nous pourrons faire ensemble un travail que vous allez vous-même évaluer après le référendum. Merci, Monsieur Prosper. C'est vrai que les élections, c'est une routine après une certaine période, mais toujours, ça implique une certaine compétence en termes de connaissances. Est-ce que vous planifiez faire des séances de formation à l'intention des journalistes pour que, s'ils sont vraiment au terrain, ils puissent mieux savoir quoi faire? Oui, nous rencontrons souvent les partenaires électoraux dont les médias, peut-être on ne le fait pas assez, c'est peut-être un petit clin d'œil que tu nous fais. On pourrait effectivement organiser des séances d'échange, de formation entre la CENI et les différents médias. On le fait, peut-être c'est pas assez, mais on pourra améliorer la qualité des échanges et des prestations. Justement par rapport à ça... On peut pêcher par méconnaissance. Qu'est-ce qu'un journaliste pourrait faire, sans le savoir peut-être, qui pourrait vraiment avoir une incidence sur un processus électoral? Effectivement, les élections, même si ça commence à devenir une routine au Burundi, c'est un domaine un peu spécifique, surtout en ce qui concerne le cadre légal. Il faut savoir ce qu'il faut enseigner, le dire correctement, parfois. On a entendu à un certain moment certains messages qui ne correspondaient pas tout à fait avec la réalité en matière de pratique électorale. Mais qu'à cela ne tienne, il y a toujours possibilité de redresser la situation via les formations, via les échanges comme on le fait. Et je pense que d'ici peu, au niveau de la CENI, on va voir comment s'organiser et faire des rencontres, d'échanges, de mise au point, d'harmonisation, de précision, de prise d'options par rapport au cadre électoral. Surtout, le comment voter. Le comment voter, on s'est rendu compte qu'à un certain moment, il y avait confusion sur certaines procédures qui vous disent qu'il y aura, par exemple, urne blanche, urne noire, alors que ce n'est pas nécessairement ça. Ou bien les gens qui ne savent pas le type de bulletin qu'il faut utiliser. Là, côté éducation électorale, la CENI va veiller pour que le message donné soit correct. Oui. Peut-être dans vos planifications, y aurait-il d'autres activités que vous comptez faire pour que justement un journaliste puisse aller sur terrain outillé afin qu'il puisse rendre son travail correctement? Par exemple, on peut organiser une formation à l'endroit des journalistes en ce qui concerne l'observation électorale. Qu'est-ce que c'est une observation électorale? Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on reporte? Quelle est la limite? On travaille d'où jusqu'où? qu'est-ce qui est autorisé à dire, qu'est-ce qui n'est pas autorisé à dire, des choses pareilles. Il y a possibilité d'organiser effectivement des séances de formation avec les journalistes. On le fait, mais peut-être ce n'est pas assez. Mais on le fait, on a déjà organisé pas mal de séances d'éducation civique électorale à l'endroit des différents partenaires électoraux, y compris les médias. Sylvère Nakatumana, au niveau des médias, vous pensez qu'une telle formation est nécessaire? Une formation n'est jamais de plus, elle est toujours nécessaire. Je crois que, vous savez, dans toutes les choses, il faut que nous soyons humbles et dire nous avons besoin quand même d'être informés avant d'informer les autres. Nous-mêmes, en tant que journalistes, nous devons être informés avant d'informer les autres. Il n'y a pas de pire journaliste qu'un journaliste qui n'est pas informé. Parce que la façon de transmettre le message d'informer est des fois mal faite parce que le journaliste lui-même n'est pas informé. Je crois que c'est une grande nécessité et que les journalistes soient formés pour enfin informer la population et transmettre de bons messages. Je pense que c'est une grande nécessité. Et autre chose, c'est par rapport à ce que le commissaire de la commission électorale, le commissaire de la CENI a dit par rapport à des dérapages qui peuvent s'observer au niveau des médias. Et des fois, il y a effectivement les gens qui pêchent par ignorance, parce qu'ils n'ont pas su, non pas parce qu'ils ont une mauvaise volonté de désorienter ou d'orienter d'une certaine manière politiquement la chose, mais parce qu'effectivement la formation n'a pas eu lieu. Je crois que la CENI pourra chercher les moyens conséquents pour le faire. Et nous-mêmes, nous avons aussi cette responsabilité, même si la CENI n'a pas les moyens de le faire, de chercher nous-mêmes les moyens pour former nos journalistes. Je crois qu'il en va des directions de différents médias, de pouvoir s'organiser et voir comment partager les expériences avec les gens qui sont bien formés, qui ont eu une grande expérience dans le passé. Et comme le journalisme, c'est comme toute autre discipline. Et je crois que c'est un métier qui est chaque fois renouvelé au niveau des personnes qui travaillent, des ressources humaines. Et vous verrez des jeunes journalistes qui n'ont pas assez d'expérience. Je crois qu'ils peuvent être non pas formés par leurs aînés, mais plutôt peut-être partager l'expérience avec leurs aînés et qui pourront être guidés à travers l'expérience des aînés. Et je crois qu'à notre niveau, en tant que directeur ou en tant que responsable d'un médium, nous devons aussi nous organiser aux côtés de la CENI, aux côtés des institutions, pour outiller nos personnels à pouvoir couvrir correctement une élection. Avec la crise de 2015, petit à petit, au niveau des journalistes, on a senti des plaintes en rapport avec l'accès aux sources, aux personnes ressources. Est-ce que ça pourra être encore plus facile en période électorale? Vous ne craignez pas que ce problème d'accès aux sources peut s'accentuer pendant la période électorale? Moi, je n'ai pas cette crainte, mais par rapport à 2015, je crois que c'était une période quand même très particulière. Avoir le contexte dans lequel on était, c'était des fois difficile. C'était un contexte teintant de tension entre partenaires sociaux et c'était vraiment difficile. Je crois qu'il en va de la bonne préparation, de la bonne collaboration des acteurs pour que le processus puisse être bien mené. Et je crois que s'il y a une bonne collaboration et que les gens se parlent, que les gens se rencontrent pour échanger sur une autre chose, j'ai pas de crainte vraiment qu'il y ait rétention d'informations par rapport à cela. L'important, c'est d'apaiser les tensions et de pouvoir se dire nous avons intérêt tous, que ce soit le gouvernement, que ce soit les médias, à ce que ce processus ne dérape pas, à ce que les médias travaillent librement, à ce que les journalistes soient responsables, qu'ils soient conscients de leur rôle à jouer dans la société, de leur responsabilité sociale. Je crois qu'à ce niveau-là, s'il y a une bonne collaboration, tous en direction d'une société apaisée, d'une société équitable, d'une société qui va à l'élection pour exprimer librement son choix, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Le problème commence au moment où il y a des intentions à pouvoir vouloir faire les choses de façon pas correcte. Et des fois, il y a ces tensions-là qui naissent. Et dans les tensions, les journalistes n'ont pas la tâche facile. Monsieur Jérôme, est-ce qu'au niveau du ministère, vous n'avez pas encore remarqué ces plaintes ou ces craintes au niveau des médias par rapport à une certaine rétention de l'information qui peut s'accentuer en période électorale? Bon, oui, c'est pas une crainte, mais c'est par rapport au professionnalisme. S'il y a des personnes où il n'est pas facile d'accéder à leurs informations, nous avons constaté que c'est lié aussi à la méfiance. Seulement la méfiance, c'est pas la mauvaise volonté de la personne en question de ne pas donner, de ne pas livrer l'information, parce qu'il a le devoir de rendre compte. Mais vous savez, les périodes telles que 2015, où il y a eu peut-être une certaine méfiance par rapport aux médias ou certains médiums, où certaines personnes ont manifesté une volonté de ne pas bien collaborer. Donc c'est à partir de ce moment où on a observé cette inquiétude, où certaines personnes se disent: à quel est-ce que je peux parler aisément, librement? Quand vous dites que vous voulez travailler dans la liberté, il y a aussi certaines personnes qui se disent: est-ce que je peux parler librement avec tel journaliste? C'est à ce moment où je vous retourne la question de faire une auto-évaluation. Est-ce que je fais mon métier correctement? Est-ce que pourquoi telle personne n'a pas confiance en moi? Il faut recréer cette confiance. Parce que je vous dirais que le journaliste qui fait bien son métier a moins d'ennuis. Parce que je vous ai dit, j'en reviens, il est au service de la population. La personne à qui il tend le micro est au service de la population. Je ne vois pas pourquoi il pouvait y avoir ce problème. Mais par rapport à ce défi, nous avons déjà amorcé un processus. Nous animons des ateliers qui regroupent les responsables des médias, les responsables provinciaux, les détenteurs de l'information, les professionnels de la communication, comme on peut le dire, gouvernemental. Nous sommes toujours en contact dans des réunions. Nous avons des recommandations. Nous avons même eu des occasions d'arriver à un point vraiment qui pourra peut-être faciliter la tâche aux journalistes, mais aussi aux communicateurs de l'information, de créer dans les provinces ce qu'on appelle cellules de veille. C'est une solution où les questions en rapport avec la communication doivent être discutées parmi les professionnels des médias, mais aussi les professionnels de la communication. Ça serait peut-être un moyen de relever ce défi. Nous sommes confiants car les responsables des médias savent eux aussi que parmi ses confrères, il y a ceux qui prêchent par méconnaissance, bien sûr, mais aussi ceux qui ont des difficultés par rapport à la communication et ceux qui peuvent recréer ces tensions. Mais par rapport aux élections, nous sommes tout à fait confiants que le processus, les médias en synergie vont accompagner le processus à l'aise et très correctement, parce qu'on commence à se préparer à temps. Donc nous partons ensemble, donc nous aurons peut-être de bons résultats. Monsieur Silver a un mot à dire par rapport à votre intervention. Et justement, le directeur général vient d'évoquer un mot très important, la méfiance. Je crois que dans un contexte électoral, il faut absolument voir comment dissiper les peurs. À partir du moment où la méfiance peut faire à ce que le travail du journaliste soit entravé, je crois qu'il faut voir comment effectivement casser cette méfiance. Et j'aimerais proposer quelque chose, multiplier les rencontres avec les acteurs sociaux. Et je voudrais dire, des fois les tensions naissent parce que par exemple les partis politiques veulent que, bon, il y ait une orientation quelconque du travail des journalistes, et qu'à un moment donné, les administratifs, qui sont aussi des membres des partis politiques, veulent orienter de leur côté le processus. Je crois que S'il y a beaucoup de rencontres entre partis politiques et les médias, entre les administratifs et les médias, entre la CENI et les structures qui descendent de façon descendante sur la structure centrale qui s'appelle la CENI, se rencontrent avec les médias, que chacun comprenne son rôle, je crois que la méfiance peut diminuer. Je crois qu'on a un exemple, la réunion qu'on a eue avec le ministère, organisé par le ministère de la Communication, avec tous les gouverneurs de province qu'il y a eu à Gitega, on a eu à discuter vraiment de cette affaire, des méfiances, etc., etc. Là où on a vu qu'il y a des méfiances au niveau des provinces par rapport au travail des journalistes, ce sont les gouverneurs qui ne se présentent pendant de telles réunions. Et je crois que lorsque le ministère organise de telles rencontres, il faut qu'il s'assure que ces personnes-là qui sont concernées au premier plan par rapport à la rétention de l'information que les journalistes sollicitent à chaque instant, je crois qu'il faut qu'ils se rassurent que ces gens-là participent dans des réunions. Ou même, quand ils envoient leurs délégués dans de telles rencontres, il faudrait que ces délégués rendent compte à ceux qui les ont envoyés. Bon, je crois que c'était une insistance sur la façon de casser la méfiance qui se trouve entre acteurs sociaux et que nous nous trouvons entre le marteau et l'enclume lorsque nous sommes en train de réaliser notre travail. Tant que vous avez la parole, nous sommes vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous conseillez à vos collègues journalistes pour que leur travail soit efficace en période électorale? Bon, j'aime toujours dire un journaliste qui n'est pas formé ne peut pas faire un bon journaliste. Le journaliste doit se former. La formation des journalistes en va aussi de la qualité de son travail. Il en va de la qualité de son travail. Se former, il y a toujours moyen de se former via Internet, par exemple. Pourquoi ne pas télécharger des documents pour savoir comment faire en période électorale, vivre l'expérience d'ailleurs et collaborer avec les collègues, discuter sur des questions pertinentes comme une élection. Je crois que le journaliste doit se former. Ça, c'est un point. Deuxième point, comme conseil je pourrais donner, c'est que le journaliste doit faire attention. En période électorale et surtout dans les moments de campagne, il y a toujours des manipulations. Si le journaliste est manipulé, ne sait pas disséquer une manipulation face à une information donnée, je crois qu'il ferait mal son travail. C'est-à-dire, le journaliste va se préparer mentalement pour affronter une période difficile telle que l'élection. Il doit aussi faire attention à sa sécurité. Parce que des fois, nous travaillons dans des conditions difficiles, dans des conditions de tension, dans des conditions de violence. Et tu risques d'être accusé d'une certaine manière lorsque tu prends une position quelconque, alors que tu devrais être neutre, parce que le métier l'oblige. Et je crois qu'une seule façon de se protéger comme journaliste, c'est de se former, c'est de faire son travail professionnellement et d'essayer d'être le médiateur au niveau de la société. Monsieur Prosper Nahouamie, que doit faire le journaliste pour que son travail soit salué au niveau de la CENI conformément aux règles en période électorale? Merci, j'abonderai dans le même sens que l'orateur précédent. Il faut former les gens, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et là, concernant par exemple les élections, il faut un minimum de formation en matière électorale, pour faire une bonne couverture médiatique en ce qui concerne les élections, se familiariser un petit peu avec le jargon électoral, savoir qu'est-ce que c'est un centre de vote, un bureau de vote, qu'est-ce que c'est les majorités, les types de majorités qualifiées, relatives, absolues. Je te donnerai un petit exemple qui, pour moi, relevait de l'ignorance. Quand un journaliste de la Radio Nationale, je pense, faisait le reportage du décret de son Excellence, Monsieur le Président de la République, convoquant les électeurs, quand on parlait de la majorité absolue des suffrages exprimés, c'était bien écrit 50% plus une voix. Lui, il a dit que c'était 51%. La différence est énorme. Ouais. Si les suffrages exprimés sont 5 millions, vous prenez 50% de 5 millions plus une voix, et vous prenez 51% de 5 millions, prenez votre calculatrice, faites la différence. Vous dites ça en matière électorale, c'est très grave. C'est déjà incontentieux. Mais je suis sûr ça à 100%. Ça peut susciter des tensions. Mais oui, oui. On a dit que c'est 51%. Non, c'est 50% plus une voix. Tu vois, ce sont des subtilités liées à la loi, au code électoral. Mais je comprends qu'on ne peut pas avoir les compétences dans tous les domaines. C'est impossible. Même les savants, on est savant dans un domaine, on n'est pas savant dans tout. C'est pourquoi d'ailleurs, pour vous compléter, oui. Je crois qu'il y a une nécessité d'aller venir, de spécialiser des journalistes. Tout le monde ne doit pas être spécialiste en tout, oui. Mais des fois les moyens nous manquent. Je crois qu'on devrait penser à la spécialisation d'un journaliste. Vous faites le reportage en matière de santé, en matière, je ne sais pas, d'élection, en matière de commerce, il y a des domaines techniques où on doit avoir, et on les comprend, on doit avoir des formations domaine par domaine. Et si c'est possible, si les ressources humaines le permettent, si les moyens le permettent, faire des spécialisations par domaine et par journaliste. Là, ça éviterait certains dérapages ou manquements constatés, mais qui ne sont pas dus volontairement. Voilà. Merci. Monsieur Jérôme, au niveau du ministère, vous avez déjà initié... des choses pour que justement le travail des journalistes puisse être bien fait au niveau pendant la période électorale. Qu'est-ce que vous comptez encore faire pour rendre ce travail encore efficient? On l'a dit, c'est toujours les formations. On a toujours besoin d'informations avant d'informer. Il faut, comme le disaient nos collègues ici, avant d'informer, il faut d'avoir l'information. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je conseille aux journalistes ou aux professionnels de la communication, il faut savoir s'interroger. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je ne dois pas dire? Est-ce que l'information que je donne est utile? À ce moment, vous saurez quoi faire. Si vous voyez que l'information que vous allez donner n'est pas utile, vous vous donnez directement la réponse. Au niveau de... Vous vous censurez vous-même. Ce qui est autorisé à dire et ce qui n'est pas autorisé à dire. Et vous revenez sur la responsabilité sociale des médias. Troisième chose, c'est de respecter la loi. Et il y a la loi sur la presse, il y a la déontologie professionnelle. Quand vous faites correctement votre métier, je le dis toujours, vous aurez moins d'ennuis. Je vous remercie. Voilà, c'est la fin de l'émission Mosaïque. Et Mosaïque d'aujourd'hui, nous débattions autour du rôle des médias en période électorale. Au studio, nous avions trois invités. Je remercie Jérôme Dicourio, directeur général de la communication. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Moi aussi, je vous remercie. Je remercie également Prosper Naugwami, commissaire chargé de l'éducation civique de la communication à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Merci pour l'invitation. Du côté des professionnels des médias, nous avions Silver Nakautimana, directeur de la radio Isanganiro. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Au micro de Mosaïque, vous étiez avec moi, Pacifique Chubahiro, Jérôme Nyonzima assurait la réalisation et Eric Wimana était à la cabine technique. À vous tous qui étiez à l'écoute de la radio Isanganiro, nous vous souhaitons de suivre nos émissions. Mosaïque.